l'heure est à la démence avec nul autre que le docteur démentiel. Tu m'as fait venir ici pour du papier de toilette. Et vous, capitaine Kirk? Qu'est-ce que vous écoutez? Comme musique, je veux dire. Quand je dis croton, c'est du croton que je veux, pas du putain de Paris pâté. Le capitaine Kirk, il écoute du Francis Martin. Je vous entends tous les soirs dans votre cabine. Bonjour, les auditeurs de CKRL. Quant à Spock, lui, eh bien, il écoute du Kathleen. Et il se fait aller les oreilles. Quel est votre prénom? Comment vous l'appelez? The Satan guy's here, man. S-A-T-N. Oui, allez-y, on vous écoute. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à Démentiellement Vôtre. C'est vraiment effervescent ici en studio, si vous pouviez voir ça. Je dois d'ailleurs vous annoncer qu'on aura un petit changement de programme ce soir. Phil Drouin, qui devait être en prestation dans nos studios, on doit reporter sa prestation dans les prochaines semaines. On vous donnera plus de détails dans les prochaines minutes. La raison est fort simple, c'est que j'ai une condition médicale qui ne me permet pas en ce moment d'être en studio. Alors, je le sais que c'est effervescent, mais je suis pas là. Je suis là quand même dans vos oreilles. Tout ça pour vous dire que ce soir, on a quand même mon oncle Serge et Anonymous qui seront avec nous dans quelques instants. Et j'aurai à 23h et 23h30 des archives live, des spectacles qui ont lieu dans le cadre du Radioton à CKRL pendant Démentiellement Vôtre. On aura un succès souvenir. La Corriveau, prestation de 2015 à 23h, et Nevermore Than Less, une prestation qui a lieu en 2017 à 23h30. On va jaser avec Phil Drouin aussi à 22h30. J'ai pour vous dans les prochains instants mon oncle Serge et Anonymous. Je vais juste me connecter avec eux, le temps de me brancher et... Mon oncle Serge, Carlos Araya, Oscar Souto, yeah! Mon oncle Serge et Anonymous. Bonsoir messieurs, comment ça va? Yes! Yeah, c'est vrai, c'était vendredi soir, c'est tout le temps là, on est tout le temps sur le party. Qu'est-ce que tu penses? Là, je vous reconnais. On vous reçoit ce soir parce que on a eu une bonne nouvelle dernièrement. Vous reprenez la route pour le 20e anniversaire de l'Académie du Massacre, un album phare que vous avez lancé en 2003, évidemment. À l'époque, Marco Cagliari était avec vous. Là, on le sait tous, vous l'avez dit, vous faites ça pour un coup de cash. Mais ça lui fait quoi, lui, de ne pas être millionnaire à la fin de l'été? C'est quand même un gros événement dans la vie. Il est déjà millionnaire. Ouais, il a déjà pas mal plus d'argent que moi, en tout cas. De toute façon, il peut se consoler en allant manger chez Pacini. Mais sans blague, vous partez en tournée pour célébrer le 20e anniversaire de cet album-là, de l'Académie du Massacre. Avez-vous pensé à un show concept? Est-ce que vous allez jouer l'album du début jusqu'à la fin? Est-ce que vous allez faire quelques tunes aussi de musique barbare? Veux, veux pas, les deux albums sont associés dans votre répertoire. À quoi va ressembler le spectacle de Mon oncle Serge et Anonymous pour cette tournée 20e anniversaire? Ben, écoute, on est encore en train de travailler un peu sur ce que ça va avoir de l'air. Bien sûr, il va y avoir énormément de chansons de l'Académie du Massacre, mais c'est sûr qu'on ne peut pas passer à côté des chansons de musique barbare. Il y a quand même des chansons fortes aussi dans cet album-là. Donc, c'est ça. D'après moi, on va avoir du matériel pour avoir un bon show d'une heure et quart, d'après moi. Donc, ça prend plus que quelques chansons de l'Académie du Massacre, donc ça prend un peu des deux. Puis aussi, on va se lancer sur peut-être quelques idées farfelues ici et là qu'on va inclure dans le set. On travaille un peu sur des surprises aussi, fait que voilà. On n'est pas prêt à 100% encore. T'sais, l'idée de faire l'album au complet, on y avait, pense même pas jamais pensé de faire l'album de A à Z. Ouais, c'est ça. Moi, je préférais faire... En fait, moi, j'ai soumis une liste de chansons au groupe. Ça risque de bouger un peu, mais il y avait à peu près les deux tiers de l'album quoi qui était là, les deux tiers de l'Académie. Il y a quelques morceaux que, bon, j'aime mieux jouer les meilleurs morceaux de musique barbare que jouer les moins bons morceaux de l'Académie, disons ça comme ça. Encore que les avis sont partagés sur ce qui constitue un bon puis un mauvais morceau, ouais, mais bon, en général, disons que les titres qui sont les moins intéressants sont bons. Enfin, il y a certains titres qui sont vraiment incontournables. Ouais. On peut pas ne pas faire les patates, l'âge de bière, puis une coupe d'affaires comme ça, là, la chute du Hors, puis bon. Mais ça, il y a d'autres tunes, c'est plus discutable, puis là, on en a coupé une coupe là-dedans, mais pas tant. Là, non, t'sais. Pas tant que ça, c'est ça. Puis comme puis même de l'album Musique Barbare, je pense aussi que c'est des chansons qu'on doit encore jouer live pour cette édition ici, parce que c'est des chansons qui ont énormément marché quand on a fait la tournée. Ouais. En 2008, 2009, 2010. Jusqu'à 2011 même. Jusqu'à 2011, c'est ça. Fait que, tu sais, donc, je pense que c'est important de quand même garder ces chansons-là. T'sais, ça fait partie de l'esprit du concept Mon oncle Serge et Anonymous. T'sais. Y en a-tu des tunes que vous avez jamais faites live sur l'Académie? T'sais, je regarde Godzilla. Ça a-tu été fait, ça, live? Oui. Godzilla, oui. En fait, on les a toutes faites, les chansons de l'Académie. Là. Ouais, à l'époque de l'Académie, ouais, on les avait déjà toutes faites. Puis même Musique Barbare, je pense pas qu'il y a de chansons là-dessus qu'on n'a jamais faites en show. Je pense qu'on a toutes joué le répertoire, joué, même les chansons qu'on avait ressorties par après. Oui, L'Homme qui faisait reculer, ouais, tout ça. Là, on a tout mis ça sur les planches. Ouais. Même sur l'Académie du Massacre, il y a une chanson cachée qui s'appelle Les Machines, qui est en fait une toune d'Anonymous que moi j'ai adaptée en pas métal. Là. C'est une espèce de toune un peu bizarre. Là, que je l'ai mis en français. C'était une toune qui s'appelait Maquinas là, en espagnol. J'ai fait Les Machines. J'ai respecté un peu la structure, tout ça, mais le son, c'est pas pantoute pareil. Puis c'est vraiment un enregistrement à maison qui est en toune cachée là, sur l'Académie du Massacre. Et c'est ça. Puis même cette toune-là, on l'a montée avec le groupe. Mais on l'a pas fait bien souvent. Non, en fait, on les a toutes essayées. Finalement, on se rend compte, bon, celle-là marche moins, on va l'enlever. Mais au moins, on s'est donné la peine de les apprendre puis de les faire en spectacle. Tu sais, c'est chose qu'on n'a pas toujours faite avec Anonymous. Là. Il y a des chansons. Ben, aussi, ça dépend. T'sais, quand je vous dis avec Anonymous, ça doit être comme pour moi aussi. Quand je sors un album, je fais pas tous les morceaux sur scène. Puis il y a des morceaux, même sur mes albums récents, que j'ai jamais fait en spectacle. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a où je me dis, ça. Je le sens pas pour le show, mais tu sais, pour l'album, ça va. Ouais, exact, c'est ça. C'est vrai qu'il y a toujours dans les albums, il y a des chansons qui sont vraiment des chansons d'album aussi, tu sais, qui se portent moins pour la scène. Tu sais, des fois, c'est ça. Faut quand même faire une espèce de différence, tu sais, aussi entre un show, tu sais, puis un album que tu écoutes chez toi. Tu sais, c'est sûr que c'est le fun. Les deux sont le fun, tu sais. Ils ont chacun leur côté qui leur appartient. Donc, on se croise les doigts pour vous voir à Québec prochainement. On va suivre le site mononcle.com puis le site d'Anonymous Metal pour s'informer des dates à venir. J'aimerais qu'on se reparle la semaine prochaine. Il me semble que j'ai plein. On est pressé dans le temps ce soir, c'est Radio-Ton. Tout ça, c'est effervescent alentour de moi, comme vous pouvez le constater, parce qu'on se parle par caméra, par webcam ce soir. J'aimerais qu'on se reparle la semaine prochaine. Est-ce que ça vous tente? Je sais pas si je suis disponible. Si tu payes la bière, on va être là. Ouais. On va en boire en plus. Fais pas juste la payer. J'aimerais qu'on se quitte. Par la poste. J'aimerais qu'on se quitte sur une pièce qui a été enregistrée au Parc Ferland en 2005, le 9 septembre. J'ai ressorti ça des archives ce soir. Hey, c'était le dernier show de la tournée de l'Académie. On exactement. Jouait avec des Glow Abortions. Oh, ouais. Puis il y avait Guttermouth après vous autres. Oui, et oui, Serge, oui, tu jouais le lendemain sur la 3e avenue, sur une scène avec Serge et le jazz. Le Serge Jazz Band. Oui, exactement. Je me rappelle pas que je faisais un show le lendemain. Eh bien. Bref, on va se quitter sur Ogunquit 2.0, qui a été la dernière toune de cette époque de l'Académie du Massacre live, avant que ça reprenne ultérieurement avec la musique barbare. Mais je trouvais que c'était un beau clin d'œil pour fermer cette portion de l'entrevue. Mon oncle Serge, Carlos Araya et Oscar Sto d'Anonymous, merci beaucoup d'avoir pris le temps ce soir de participer à ce radioton de CKRL. Puis, j'envoie ma poudre par la poste, puis la bière s'en vient aussi. On s'en reparle la semaine prochaine. Bon, bon, on va être là. Bon, ben, on va vous en faire une petite dernière rapidement. Ah! C'est une chanson qui m'a été inspirée par mon arrestation aux douanes des États-Unis, où je me suis fait pincer avec une quantité extraordinaire de drogue. J'avais 0,2 grammes de pot en ma possession. C'était une grave menace à la pureté morale et à la sécurité de ce peuple, de ce pays, où les présidents fument sans inhaler et où les stagiaires sucent sans avaler, comme on dit souvent. Au gun quit! Asti! Call is tabernacle. Toute la nuit, j'ai couru bourré de troquet en troquet. Quand soudain, Marco Cagliari m'apparaît. Ah si, c'est moi. Du coup, moi, j'en profite pour y demander si Hogan quit. Oui. C'est une bonne place pour manger des hot dogs. Hot dogs, salsichés! Le Rital acquiesce, fait que je traverse toutes les cantons de l'Est vers les lignes par la famine emportée. Arrivé à la douane, je lâche un pet qui sort de la boucane et toutes les grosses polices rient d'un rire de feu. Attention! Un des feux, la grosse main poilue, curieux de voir les deux belles grosses couilles. Charge des longs toilettes comme soumettre à la fouille. Il fouille comme un furet pour enfin trouver dans ma rêve un joint de pote qui s'y faisait masser. Profitons de ce qu'elle veut, avec la tête entre mes deux cuisses. J'en lâche un, lui me rate un rapport de police. La police! Et le monde carcéral me parut soudain si rural. J'étais bien, l'amour revenait dans ma ville. Et les bœufs chantèrent. All I need is a pickup truck, a dog and a chainsaw, a chalet on a highway 87. A shiny mustache car, bullets in my gun, and a home delivered bucket of fried chicken. Ce n'est pas sans une larme que j'ai quitté le poste de douane où j'avais passé de si bons moments. Oh, je suis rentré à maison par toutes sortes de pistes de ski de fond en chantant fort et mal mon beau sapin. Mon sapin! Depuis ce jour, mes amis, je suis barré aux États-Unis où Baudrillard descend de temps en temps. Boudra, boudra, boudra. Pour consoler mes vieux albums de Paul Fiché et le village des Bécois d'Anton, ainsi que cette chanson. Oh, I need is a pickup truck, a dog and a chainsaw, a chalet on the highway 87, a shiny mustache cover, bullets in my gun, and a home delivered bucket of fried chicken. Merci, bonne chance de Québec. Merci d'être venu ici. Merci d'être venu si souvent nous voir. Moi et tous nos amis, Oscar, Carlos et puis tout le monde. En tout cas maintenant, rentrez chez vous, allez vous coucher, puis faites des cauchemars. Merci. All I need is a pickup truck, a dog and a chainsaw, a chalet on a highway 87, a shiny mustache cover, bullets in my gun, and a home delivered bucket of fried chicken, and a home delivered bucket of fried chicken. Let's dance the boogie, and a home delivered bucket of fried chicken. Let's dance the twist, and a home delivered bucket of fried chicken. Yeah. Merci, messieurs, dames! Merci! Bonne fin de soirée! Merci, Québec! Merci, Québec! Hey, aimerait ça, Anonymous, remercier Monsieur Serge Robert ici. Est-ce que vous voulez nous aider? Encore, on dit merci! 1, 2, 3! Merci, Serge Robert! Ah, merci beaucoup, merci tout le monde, merci à vous, Anonymous. Hey, ceux que ça intéresse, demain, je suis en spectacle sur la 3e avenue à 21h30 avec mon Serge Jazz Band. Et puis sinon, ben, Guttermouth, bonne fin de soirée, merci Anonymous, merci à vous tous, bye! Bon, on va faire un vrai salut. Bon, un vrai salut. Salut! Hey. Vous êtes toujours à l'écoute de Démentiellement Vôtre, édition du Radioton 2023 de CKRL. Vous allez être généreux avec nous cette année. Notre objectif, c'est 50 000. Pourquoi est-ce qu'on vous demande 50 000? C'est une très bonne question. Puis moi, je vous répondrai avec ceci. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il n'y a pas d'autre raison. Pourquoi pas? Mais il y a des raisons, oui. Je pourrais vous dire, l'émission que vous écoutez en ce moment, diffusée depuis de nombreuses années, ça se fait pas tout seul. Il y a besoin d'équipement, il y a besoin de techniciens, il y a besoin d'argent pour faire rouler la station. Bon, vous comprenez tout ça. Je pourrais vous le dire, je vous le dis. On a besoin d'argent pour pouvoir continuer à vous divertir le vendredi soir, mais pas juste le vendredi soir, le samedi matin, le mercredi midi, le jeudi soir, le jeudi matin. Alors, merci beaucoup de contribuer à cet événement annuel qui est des plus significatifs pour la station que vous écoutez en ce moment, c'est CKRL 89.1. Et je sais que vous serez généreux, passez nous voir à la station en fin de semaine. Venez chercher, il y a des livres à vendre, il y a des CD pas chers, il y a des sacs que vous pouvez ramasser à la station en échange de quelques billets, quelques pièces. Alors, n'hésitez surtout pas à venir nous voir en fin de semaine et profiter de ce Radioton 2023 tout le week-end sur nos ondes. Salutations à tous les artisans collègues qui sont à la station, qui seront à la station pour présenter des émissions spéciales, à tous ceux qui donnent de leur temps aussi en arrière des ondes pour faire en sorte que cette édition du Radioton soit un succès. On poursuit avec mon oncle Serge d'Anonymous, deux petites tournes pour se rendre vers la pause de 22h30. Et par la suite, on jase avec Phil Drouin d'Upvert. Je vous l'ai dit auparavant, il y a un petit changement à l'horaire. Je ne suis pas en mesure d'être dans le studio en ce moment. Vous m'écoutez, mais je ne suis pas dans le studio. Donc, on va reporter la prestation de Phil Drouin et d'Upvert à une semaine subséquente au mois de mai. On vous donnera tous les détails dans les prochains instants. Mais ça ne nous empêche pas d'écouter mon oncle Serge et Anonymous à CKRL 89.1. C'est le Radioton 2023. Vous écoutez Démentiellement Vôtre. 2, 3, 4! J'avais une terre en Saint-Agathe où je faisais pousser des patates. J'avais une vache de pâturage qui me donnait du bon fromage. Fait que j'ai monté sur ma moto, j'ai roulé jusqu'au Provigo. Me suis acheté de la Samsung 4, puis j'ai remonté sur ma bécane, j'entends oh! C'est bon les patates, c'est bon, t'as dans le béton. Bon comme bon, Buffalo Bill qui vise dans le mille. Bon bon, puis qu'à son bison avec des petites crottes de fromage. Ça descend dans ton deux ombrages, arrosé de sauce barbecue. C'est doux, doux, doux dans l'estomac. Croyez-moi. Oh, c'est bon les patates. Oh. En sortant de stage, Bruce Springsteen aimait ce corps, Lynn Poutine. Pendant le carême, le pape Jean-Paul, on mange en cachette des grands vols. Contre le général Pinochet, qui nous dit qu'on raffolait journée de torture. Il aimait sentir la friture en chantant oh, c'est bon les patates, c'est bon, dedans le béton. Bon comme quand le bourreau sort son marteau. Toc toc, puis qu'il nous tourne la ronde. Quand les patates sont petites. Vous écoutez le Radioton de CKRL. Visitez notre encore interactif sur le site ckrl.qc.ca. Cliquez sur la fenêtre Radioton pour miser sur un de nos 100 lots. Vous avez jusqu'à dimanche 20h. Bonne chance! Salut, c'est Olivier Bercelli de l'émission Démentiellement Vôtre. CKRL est en plein Radioton et c'est le temps de faire vos dons ou bien de devenir membre. Soyez dons généreux. Bonjour, ici Julie, votre députée de Beauport-Limoilou. CKRL, c'est un véritable bijou pour notre communauté. Un bijou de culture et d'informations critiques importantes pour vos oreilles, pour votre esprit. CKRL mérite notre soutien à tous. Ça nous permet de découvrir et de redécouvrir les talents d'ici et d'ailleurs, tant francophones que de toute autre langue. Laissez votre esprit naviguer au rythme et au son de CKRL, la radio d'ici. Du 24 juin au 19 août, un vent de découverte se lève sur le Festival international du domaine forgé de Charlevoix. Laissez-vous porter par des rendez-vous musicaux à couper le souffle et des performances artistiques qui font vibrer l'âme et le cœur. Planifiez votre envol dès maintenant. Le rock progressif, ça non plus, il n'en a plus. C'était des tonnes de 20 minutes qui racontaient l'histoire d'un gars qui pue. Ce samedi à 23h, l'autoroute reçoit trois invités assez spéciaux. Régis Labeaume, Daniel Lavoie et Pierre Grandmaison. Puis veux-tu me dire, hey, comment ça se fait que t'es toujours en train de regarder ton téléphone? Nous autres, les années 60, on le regardait juste quand il sonne. Trois passionnés racontent leur amour du rock à Jacques Dulac et Stéphane Villeneuve. Ce samedi à l'autoroute, dès 23h, dans le cadre du Radioton. Larry encore. OK, continue. Depuis 30 ans, la boutique Le Pédalier répond autant aux exigences des pros que des amateurs. Les plus grandes marques, Kona, Felt, Marin, aux prix les plus avantageux. Une équipe de spécialistes et des conseils judicieux, c'est l'expérience que vous vivrez en vous rendant à la boutique Le Pédalier. 99 Boulevard Bastien-Wendake, via Robert Bourassa Nord. 418-842-2734. Pédalier.ca. Bonsoir, chers métalleux, Simon Roy avec vous pour l'encan de CKRL. Donc, comme je vous disais, mon nom est Simon Roy, je suis le responsable technique de la station. J'avais envie de vous partager quelques lots intéressants. Donc, vous pouvez miser en vous rendant sur le site de CKRL au www.ckrl.qc.ca. Entre autres, le lot numéro 11, c'est offert par la maison d'édition Pau-Pau. Il y a quatre BD dans ce lot. C'est La Méduse par Boom, il y a Corps vivant par Julie Delporte et Sarclage par Geneviève Lebleu, ainsi que Justine et les fils du King par Iris Boudreau. Donc, des très belles BD. C'est Raymond Poirier qui nous a fait une belle sélection. Ensuite de ça, bien, on a le lot numéro 12. On a un lot de 7 BD adultes, manga et jeunesse. Donc, on a Mort et déterré, tome 1, par Jocelyn Boisvert et Pascal Colpron. On a Créature, tome 1, par Beth Bedder et Jeff. Donc, c'est ça, vraiment des très beaux livres. Je vous invite à miser sur le lot 12. Il y en a encore plusieurs dans ce lot. Ensuite de ça, voyons une boîte que j'adore, Mécanique Générale. Dans le lot, voyons un livre que j'ai adoré, Rouge Avril, par Sylvain Lemay et André Saint-Georges. Donc, je vous le recommande. Faites donc monter l'encan pour le lot numéro 13. Donc, c'était Simon Roy. Je vous reviens tout de suite après. On poursuit avec une petite pause. Vous écoutez le Radioton de CKRL. Salut, Angel Forest ici. C'est le Radioton CKRL. S'il vous plaît, soyez généreuse.

Et c'était hyper important pour nous d'être là parce que la radio, c'est le pont entre vous, les auditeurs, et nous, les artistes. C'est la façon la plus rapide d'entrer en connexion avec vous. Donc voilà, donnez généreusement. Vous écoutez le Radioton de CKRL. On dirait que la musique est fâchée. Oh oui, moi, la musique me fait ressentir de la colère. Oui, moi aussi. Hey, vous êtes à l'antenne du Radioton de CKRL 89.1. Ce soir, on devait avoir en studio Phil Drouin et Upvert pour une prestation dans nos studios, la guitare double, l'EP de Beginning. Malheureusement, j'ai liché beaucoup trop de poignées de portes au centre d'achat cette semaine, puis je me suis ramassé avec la COVID. Donc, je suis persona non grata en studio. Mais quand même, on peut se parler avec la technologie. Phil Drouin, comment ça va? Salut, ça va, toi? Écoute, il y a eu des jours meilleurs, mais tu vois, j'ai pas le droit de me rendre en studio pour pas contaminer tous les collègues de CKRL, mais je me fais un devoir quand même d'annoncer aux auditeurs qu'on va pas les laisser tomber avec la prestation live. Tu sais, on en parle depuis tellement longtemps. On va reprendre ça. Notez bien la date, le 19 mai au soir. Phil, tu reviens en studio, on s'installe, puis on va. Tu vas nous faire The Beginning, ton EP de lancement. Au complet, en studio. Puis on reprend ce live-là avec un webcast, on va diffuser sur Facebook Live. Ce n'est que partie remise. Mais dis-moi donc, t'es en train de travailler sur du nouveau toi aussi, là. C'est pas juste le dernier album que t'as lancé au mois de décembre, t'as pas chômé, tu continues de travailler sur du nouveau stock? Ouais, on travaille le nouveau stock avec moi puis le drummer là, avec Charles Ellie. En train de travailler un nouvel album, puis ça va très très bien. Ouais, presque la moitié, là, la guitare puis le drum, là, tout fait. Ça avance rondement. Là. J'ai fait le point la semaine passée, j'ai fait « Ah, on est rendu là, ça va quand même très bien. » Je pensais pas être aussi loin que ça dans le processus. Quand tu dis la moitié, c'est combien de tonnes, ça? C'est 5, oh, c'est 4, mais... c'est 9? Non, on va dire 4, là. On va avoir un petit standard de 8 tonnes. Es-tu tenté de seulement, on pourrait dire, lancer des chansons plutôt que d'attendre un album complet? Il y a eu pendant la pandémie des groupes qui ont fait ça, qui ont envoyé des tonnes ici et là quand ils les avaient complétées, plutôt que d'attendre d'avoir un bassin de chansons, puis de prendre le temps. Puis je sais pas si c'est une façon de marquer le territoire, puis se faire... pas se faire oublier, mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez envisagé avec Upvert de lancer des chansons comme ça aléatoirement plutôt que d'attendre à la fin de 2 ans, 1 an et demi pour lancer un album? Non. Ça arrivera pas. On va sortir de quoi plus vite que ça. Ça va être one shot, là. Puis, ouais, le best, c'est un album one shot, là. Puis, ouais, faut que ça sorte. faut que ça sorte. Faut que les singles, esti. Upvert, on vous aura en studio. Je te vois pas, Phil Drouin, avec ta guitare double manche gauche-droite. On t'aura en studio le 19 mai prochain. Je vous le rappelle, on était supposé d'avoir la prestation ce soir au Radioton dans nos studios. Malheureusement, je peux pas me rendre en studio. J'ai la COVID. Puis, c'est ce qui arrive quand on liche trop de poignées de porte au centre d'achat. Je vous l'ai dit, faites pas ça, les jeunes. Surtout pas dans les centres d'achat dans le coin de Limoilou. Il y en a un, le centre d'achat, là. Faites pas ça, là. C'est dangereux. Très dangereux. Phil, on va se laisser sur une toune d'Upvert du plus récent album, Invisible Enemy. Parle-moi donc de ça, cette toune-là. Ouais, ça parle justement de COVID. Pas pire, hein? Tu parles d'un adon, toi. Oh, Upvert! Excellent! Upvert, à CKRL 89.1, c'est le Radioton. Je vous rappelle, on est en campagne toute la fin de semaine. Vous venez nous voir au 405 3e Avenue. Mais vous ne me verrez pas moi parce que je suis pas là. Mais vous venez nous voir en station. Vous venez dépenser, acheter des trucs, des livres, des CD, tout ça à la table de marchandises. Vous venez tout simplement déposer un billet de couleur, un bleu, un mauve, un vert, un rouge, un brun. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Puis Phil, encore une fois, on se dit... Au 19 mai, c'est là qu'on reprend la prestation live en studio, en espérant que j'ai pas pogné une variole du singe d'ici là, puis que je puisse me présenter dans le chic quartier de Limoilou avec toi. Ça va me coucher, je pense. Invisible Enemy Hubbard à CKRL 89.1. Vous écoutez le Radioton. C'est démentiellement vôtre. C'était Upvert avec la pièce Invisible Enemy à CKRL 89.1. Pourquoi Invisible Enemy comme la COVID? Oui, j'ai ramassé la COVID. Non, je ne peux pas être en studio avec Phil pour qu'il nous fasse une prestation dans le cadre du Radioton. Donc, comme on vous l'a expliqué, si vous venez de vous joindre à nous, il n'y a pas de prestation en direct ce soir. Mais on fait juste remettre ça dans deux semaines, trois semaines. On va établir une nouvelle date prochainement. Et on va faire aussi la diffusion en direct sur Internet. Et on va avoir un gros setup. On va faire ça comme il faut. On enchaîne avec deux groupes qui seront de passage à Québec, dont un qu'on n'a pas vu depuis 23 ans, Seven Dust à l'Agora en première partie d'Alter Bridge. Ça se passe le 10 août prochain. On les aura, Seven Dust, avec Home, mais voici Alter Bridge de leur plus récent album Pause and King, Fable of the Silent Sun, à CKRL 89.1. C'est l'émission du Radioton 2023 de CKRL. Soyez généreux! Démentiellement vôtre, et maintenant disponible en haute définition audio. Yeah! Leave it! du peuple. Content d'être un effet et je suis content de bien connaître. De vous, je veux savoir la vérité. C'est... Est-ce qu'on peut parler moins fort, s'il vous plaît? Je suis en don. Vous venez d'entendre Home et Seven Dust à CKRL 89.1. Ça date quand même de 99 qu'on vient d'entendre. Et la dernière fois qu'on a vu Seven Dust à l'Agora de Québec, c'était en tête d'affiche. En première partie, il y avait Drowning Pool en 2001. Ça fait 22 ans, plus exactement, qu'ils ne sont pas venus à Québec. On les aura à l'Agora le 10 août. Alter Bridge, Seven Dust, Mammoth, Wolfgang Van Halen. Wow! Belle grosse annonce cette semaine de District 7 qui réanime l'Agora de Québec d'une façon magistrale. Bref, toujours est-il qu'il n'y a pas juste eu ce show-là qui a été annoncé cette semaine. Il y a eu les grandes fêtes TELUS à Rimouski qui ont sorti leur programmation. Et on aura la chance de voir nos gars de Lévis Feels Like Home en première partie de, tenez-vous bien, Five Finger Death Punch. Ça se passe le vendredi 4 août. C'est les grandes fêtes TELUS, un festival qui est vraiment relax. Si ça vous tente de voir Five Finger Death Punch sans être pogné dans la sueur puis du monde un peu bizarre, faites un petit 3h30 de route, vous allez triper là-dessus. Ce festival-là, j'apprécie énormément. Voici Got Your Six, Five Finger Death Punch à CKRL, c'est le Radioton. C'est Olivier Bercelli de l'émission Démentiellement Vôtre. CKRL est en plein Radioton et c'est le temps de faire vos dons ou bien de devenir membre. Soyez dons généreux. Ce Radioton vous est présenté grâce aux partenaires gouvernementaux suivants. Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications. Jonathan Julien, ministre responsable de la Capitale Nationale. Sozanetti, député de Jean Lesage à l'Assemblée Nationale. Étienne Grandmont, député de Taschereau à l'Assemblée nationale. Julie Vignola, députée fédérale, Beauport-Limoilou. et Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé et député fédéral de Québec. Notre Radioton arrive à grands pas. Des invités de marque, des prestations et des émissions spéciales en direct de nos studios vous seront proposées tout au long de cette fin de semaine festive. Et c'est aussi le bon moment pour renouveler votre carte de membre, de miser sur nos nombreux lots ou bien de faire un don. Le Radioton vous sera présenté grâce à nos partenaires de premier plan suivants. La Caisse d'économie solidaire des Jardins, la Fabrique culturelle et Télé-Québec et la Caisse de Limoilou et Première Ovation. Le Radioton, soyez-y! Salut tout le monde, c'est Pierre-Hervé Goulet qui parle. Vous écoutez le Radioton de CKRL. Soyez généreux. Bonsoir, chers auditeurs. Simon Roy avec vous. Je suis le responsable technique de la station, donc je vais vous parler de quelques lots d'encan. Simplement vous rendre sur le site de CKRL pour miser. Je vais vous parler du lot numéro 18. C'est par la Société de guitare de Québec. C'est une paire de billets pour le spectacle du guitariste brésilien Yamandu Costa le 20 mai à la salle Raoul Jobin du Palais Montcalm. Donc, c'est une exclusivité à Québec. C'est un spectacle à voir. C'est une des plus belles salles à Québec. Donc, je vous invite à miser sur le lot 18. La mise actuelle est à 65$. On a aussi la Ninkasi, donc qui a toujours été un super partenaire de CKRL, un endroit vraiment agréable, de la bonne bière, donc qui nous offre trois certificats cadeaux de 25$ chacun. On a trois t-shirts de collection Ninkasi. Ensuite de ça, on a quatre verres de collection Unibrew bohémienne de Capalo pur. Donc de très beaux lots de la Ninkasi. Ensuite de ça, un autre partenaire de la station de longue date qui donc commandite l'émission en français d'abord à tous les matins, c'est l'hôtel Le Château Laurier, le lot numéro 26. La mise actuelle est de 200$, donc c'est pour un forfait couette et café. Le staff est vraiment incroyable. Je vous invite à miser sur le lot 26 à l'hôtel Château Laurier. Soyez touriste dans votre propre ville. Donc, je vous reviens tout de suite après pour d'autres lots d'encan. Vous écoutez le Radioton de CKRL. C'est Boris qui vous parle. Je prends deux secondes. Essayez de donner vraiment, tu sais, on entend souvent donner généreusement pour le Radioton CKRL. C'est une radio importante pour les gens, pour la diversité culturelle et pour nous, les créateurs. Alors, donnez, s'il vous plaît. J'entends les grillons, emmêlés aux rumeurs. Une fraîche en verdure, un coin de campagne, escorté d'une rivière. À chacun son livre, aux éditions Michel Lafon. La petite pharmacie littéraire d'Elena Molini. Blue, jeune femme trentenaire à la recherche de l'amour et amoureuse des livres, décide d'ouvrir sa librairie. Son institution, qui lui permettra de se distinguer de ses concurrents, va devenir sa signature. Elle vendra des livres comme on vend des médicaments. Bienvenue dans la petite pharmacie littéraire, une librairie pas comme les autres, où les livres ont leur indication thérapeutique et leur posologie. Un roman délicieusement italien, un hommage à tous les libraires passionnés. Les éditions Michel Lafon vous offrent des témoignages, des biographies, des thrillers, des best-sellers, des beaux livres et de la littérature jeunesse. Un large éventail de lectures pour tous, pour tous les goûts, pour toutes les passions. La pharmacie Uniprix, Nancy Champagne et Maud Amel de Limoilou est fière de s'associer au Radioton de CKRL et de l'Encan Interactif. En prévision de la saison estivale, nous vous invitons à venir découvrir nos produits. Entre autres, notre sélection de crèmes solaires pour tous les types de peau afin d'être bien protégés. Notre équipe sera vous conseiller selon vos besoins. Uniprix, Nancy Champagne et Maud Amel Limoilou, 88-523-1000. Au plaisir de vous rencontrer. Vous écoutez le Radioton de CKRL. Toujours Simon Roy avec vous pour vous parler des lots d'encan du Radioton de CKRL. On a le lot 28 qui est par les presses de l'Université Laval. Donc, si vous avez envie de réfléchir des livres qui offrent des perspectives intéressantes, c'est 9 nouveautés. On a entre autres Capture Totale, Matrix, Mythologie de la cyberculture par Michael Lachance. On a Les récits de notre terre, Les Malécites par Daniel Clément. Sakharov, Science, morale et politique par Charles Réaume, Elena Bonner et Yves Kéré. Ensuite de ça, on a œuvre de Russell Vien, tome 1, Pionnier littéraire par Lise Gaboury-Diallo, Raymond M. Hébert et Armel Saint-Martin. Ensuite de ça, on a Les jeunes et les changements climatiques, quel choix de société. Donc, ensuite de ça, un autre livre, toujours aux presses de l'Université de Laval, c'est Les jeunes et les changements climatiques, quel choix de société par Michel Pigeon. Ensuite de ça, on a La valeur de la vie humaine en Russie de 1836 à 1936, c'est Construction d'une éthique politique de fin du monde par Tristan Landry. Ensuite de ça, on a aussi également Structure d'indifférence, vie et mort d'un autochtone dans une ville canadienne par Mary-Jane Logan, McCallum et Adele Perry. Et on a aussi Pour une conciliation de rôle de vie à votre image par Lise Chrétien et Yarledi Coneo. Vous pouvez miser sur ce lot qui n'est pas encore démarré. C'est, le prix de départ est à 100$. Merci d'être à l'écoute. Ici Paul André et Lou-Adrienne Cassidy. Ça nous fait plaisir d'être porte-parole du Radioton cette année pour le 50e anniversaire de cette extraordinaire, unique, essentielle, fantastique radio qu'est CKRL. La seule chose qui arrête jamais, c'est le temps. Hey! On continue! Bonjour, je m'appelle Daniel Boucher, j'écris des tounes. CKRL est une des premières radios qui a fait jouer mes tounes à Québec. Mais le temps, lui, il arrête jamais. Mon soleil. Et je le sais que c'est de même pour plusieurs artistes qui arrivent. CKRL est en plein radioton. Donnez un coup de main à CKRL pour permettre à d'autres nouveaux artistes d'arriver à vous autres. Partenaire majeur du Radioton de CKRL, les cinémas Le Clap, leader en matière de diffusion cinématographique de qualité à Québec. Spécialisé dans la présentation d'œuvres marquantes, les cinémas Le Clap offrent à sa clientèle toutes les grandes productions de l'heure, qu'elles soient québécoises, américaines ou internationales. La Caisse d'économie solidaire Desjardins vous présente cette journée du Radioton. Vous êtes membre de la Caisse d'économie solidaire? Demandez l'une des 5 bourses de 2 000 $ chacune pour un premier emploi dans une coop ou un organisme à but non lucratif. À condition d'avoir 18 ans et plus au 31 mai 2023, d'obtenir l'appui à votre candidature d'une entreprise membre de notre Caisse solidaire et ne pas avoir reçu en 2022 de bourse de la Fondation Desjardins ou de la Caisse solidaire. Faites votre demande sur le site web à caissesolidaire.coop. Écoutez le Radioton de CKRL. Vous êtes à l'antenne de CKRL, c'est le Radioton 2023. Ce soir, je vous propose de retourner dans nos archives de spectacles qui ont lieu durant le Radioton. En 2015, on accueillait Laka Rivo avec une prestation qui n'en finissait plus. Du monde qui se slamait dedans. Il y avait même un gars avec une tête de cheval. Inoubliable. Laka Rivo pour les prochaines 30 minutes. En rappel, spectacle de 2015, le 27 mars à CKRL 89.1. Vous écoutez le Radioton 2023. Oh! Radio Tonde de CKRL. Ce soir, on retourne dans les archives pour les 50 ans de la station. C'est la prestation de La Corriveau, enregistrée le 27 mars 2015 lors de l'émission spéciale du Radio Tonde Démentiel Montréal que vous écoutez en ce moment. Soyez donc généreux, on attend vos appels 640-2575 toute la fin de semaine et rendez-vous sur le site de CKRL, ckrl.qc.ca, soit pour donner avec PayPal ou tout simplement passer à la station en fin de semaine. On vous attend. Dressed on the unmade bed, can't recall what was done or said. So quiet now, so stormy then, I'm writing it down with my poison pen. Walking on the rock and more than sex, he's in a cut in search of kind of an axe. Her eyes glowing in a tale of might, my mind wandering in haunted light. Crazy world, deadly wall, takes away your breath. Deadly wall, lifts you so high. Deadly wall, and now you live to die. If it does, you trust another dawn. When I walk onto the wet, cool lawn, the summer breeze through the window pane fills the room, lifts away my pain. It's almost dead. Her big fingers now spotted and red. May the devil put a curse on me. This all time finally set my free. Deadly world, when it gets upset. Deadly world, it takes away your breath. Deadly world, who took you so high. Deadly world, and are you left to die? Yeah. belle ambiance ce soir à CKRL. Le bruit, c'est mal. Alors, c'est toi, on a CKRL 89.1, c'est éventuellement votre Radio-Ton 2015. What for you to love? La Corriveau! C'était la Corriveau live dans nos studios en 2015. Ce soir, on fouille dans les archives, on retourne dans les spectacles qui ont marqué l'émission dans les dernières années. Après la pause, Nevermore Than Less, en prestation dans nos studios en 2017. Vous écoutez le Radioton de CKRL. Soyez généreux, on attend vos contributions. CKRL.qc.ca par téléphone 640-2575 ou en personne toute la fin de semaine au 405 3e Avenue. Dans le chic district de Limoilou. Vous écoutez le Radioton de CKRL. Salut, c'est Olivier Bercelli de l'émission Démentiellement Vôtre. CKRL est en plein Radioton et c'est le temps de faire vos dons ou bien de devenir membre. Soyez donc généreux. Bonjour à toutes et à tous. Ici Jean-Yves Duclos, député de Québec. Merci pour ce beau moment de partage sur les ondes de la plus ancienne radio communautaire francophone au monde. Une radio qui met en valeur notre communauté à travers des idées créatives, de l'animation culturelle et de l'information critique et pertinente éclairant de nombreux regards sur l'actualité et la société. Une radio qui se veut indépendante, multiculturelle, diversifiée et inclusive de toutes et de tous et de tous les groupes communautaires. Une radio composée d'une équipe talentueuse, engagée et déterminée. Une radio dont on est fier. Merci et bon Radioton. Le rock progressif, ça non plus, il n'en a plus. C'était des tunes de 20 minutes qui racontaient l'histoire d'un gars qui pue. Ce samedi à 23h, l'autoroute reçoit trois invités assez spéciaux. Régis Labeaume, Daniel Lavoie et Pierre Grandmaison. Puis veux-tu même dire, hey, comment ça se fait que t'es toujours en train de regarder ton téléphone? Trois passionnés racontent leur amour du rock à Jacques Dulac et Stéphane Villeneuve. Ce samedi à l'autoroute, dès 23h, dans le cadre du Radioton. La vie encore. OK, continue. Bonsoir, chers métalleux. Encore Simon Roy avec vous. Je suis le responsable technique de la station depuis 2016, mais quand même bénévole depuis 2007. Je viens vous parler du lot 29 du théâtre Premier Acte, donc des pièces de théâtre incroyables. C'est deux abonnements de 8 billets pour la saison 2023-2024. La mise actuelle est à 185$. Donc, c'est le lot 29. Ensuite de ça, ben la librairie Pantoute, c'est un trésor de libraires. Toutes les libraires sont vraiment attentionnés, font des super bonnes suggestions. Je vous invite donc à aller à la librairie Pantoute. C'est une mise actuelle de 100$. C'est pour un certificat cadeau de valeur de 100$. Donc, c'est déjà atteint, mais c'est sûr que ça va être dépassé. Ensuite de ça, ben, nos voisins en haut de chez nous, Namasté Limoilou, une super équipe. On les connaît personnellement. Donc, des très beaux locaux. Puis, c'est ça, vous trompez pas si vous voulez faire du yoga, allez chez Namasté Limoilou. C'est le lot 31. La mise actuelle est à 45$. C'est pour un forfait de 5 séances de yoga chez Namasté Limoilou. Ensuite de ça, ben, on a chez Bugel, beau petit restaurant sur Crémazie, pas loin de quartier. C'est le lot numéro 33. La mise actuelle est à 87$. C'est pour un certificat cadeau de 100$. Ensuite de ça, rapidement, on a un skateboard qui a été élaboré par David Rocket Chip qui anime Rock'n'Roll Planet. Donc, la mise actuelle est à 85$. C'est le lot 34. Donc, je vous reviens tout de suite après ces petites pauses. Visitez notre encore interactif sur le site ckrl.qc.ca. Cliquez sur la fenêtre Radioton pour miser sur un de nos 100 lots. Vous avez jusqu'à dimanche 20h. Bonne chance! Pourquoi faire aujourd'hui ce que tu pourrais faire demain? Pour la saison prochaine, les concerts pop de l'Orchestre symphonique de Québec se donnent des airs de studio californien, des cabarets new-yorkais. Ils seront tapissés de paillettes. Ils auront du beat. Lisa Leblanc sera chaque disco. Webster et ses 8 artistes invités célèbrent 40 ans de hip-hop québécois. Transportez-vous au cœur des comédies musicales de Broadway. Célébrez le 7e art avec Hollywood 7. Hydro-Québec, partenaire de saison de l'Orchestre symphonique de Québec.

Vous êtes membre de la Caisse d'économie solidaire? Demandez l'une des 5 bourses de 2 000 $ chacune pour un premier emploi dans une coop ou un organisme à but non lucratif. À condition d'avoir 18 ans et plus au 31 mai 2023, d'obtenir l'appui à votre candidature d'une entreprise membre de notre Caisse solidaire et ne pas avoir reçu en 2022 de bourse de la Fondation Desjardins ou de la Caisse solidaire. Faites votre demande sur le site web à caissesolidaire.coop. Vous écoutez le Radioton de CKRL. Vous êtes toujours à l'écoute du Radioton de CKRL. 50 ans de métal, CKRL. Oui, ça se peut, 50 ans de métal live. Peut-être pas, mais on retourne dans nos archives. En 2017, Nevermore Deadless devant un public endiablé, incluant le grand chef, ça sonnait de même. Le moment tant entendu est arrivé. Nevermore Deadless en direct de nos studios. Faites du bruit, puis venez nous voir, 405 3e Avenue. On pète les ballons! Ouais! Yes, sir. Here we go. I hope you know where to run. Can I make it? Yeah, can you think that you don't need a rough fight? There is games over. But I mean the night every record in your life. What a hard time. Everything you've ever said and would have you got it to say. When the better one took yourself beyond to you. So you better watch yourself beyond to you. Wanna play hide and seek? I hope you know where to run. Down. Une chanson devrait être notre prochain single. Ça devrait l'être si on finit par avoir un budget pour un vidéoclip. Ça a l'air que ça coûte cher, ces affaires-là. Un band au thon. On va faire un band au thon la semaine prochaine. Un vidéoclip au thon. All right. La prochaine chanson s'appelle This Thing Called Us. Et ça va comme suit. Here we go. Could have saved us. Merci beaucoup. All right. Normalement, durant la prochaine chanson, on demande au monde de slammer, mais puisqu'on est assez KRL, faites juste sauter sur place ou faites bouger vos doigts. Quelque chose dans le genre. La prochaine chanson s'appelle The Final Dead End. Ah, il faut attendre. Vous écoutez les archives du Radioton de Démentiellement Vôtre pour souligner 50 ans de la station. Ce soir, j'ai puisé dans les spectacles qu'on a offerts dans les différents Radiotons des dernières années. Et là, on est en mars 2017 avec Nevermore Than Less. Come and play! For the pathetic, you're quiet, why you call us? Why is the reason you fall? I am a devil bitch, thank you to a deal. I am worst of all saints, screaming to the sound of sweet fire. Pain, I couldn't care less. You're in pain, I couldn't care less. I don't care. Die, why I'm gonna burn it. Die, why I'm gonna burn it. Die, why I'm gonna burn it. You're in pain. You're in pain. You're in pain. You're in pain. You're in pain. On a comme défi de vider les bottes de bière. In need of a cause. On serait rendu à des... Non, let's go. Là, on est rendu là. Son ennemi mortel est à la radio. Et maintenant, l'heure est à la démence avec nul autre que le docteur Démentiel. Tu m'as fait venir ici pour du papier de toilette. Et vous, Capitaine Kirk? Qu'est-ce que vous écoutez? Comme musique, je veux dire. Quand je dis croton, c'est du croton que je veux, pas du putain de Paris Pâté. Le Capitaine Kirk, il écoute du Francis Martin. Je vous entends tous les soirs dans votre cabine. Bonjour, les auditeurs de CKRL. Quant à Spock, lui, eh bien, il écoute du Kathleen. Et il se fait aller les oreilles. Quel est votre prénom? Comment vous l'appelez? The Satan guy's here, man. S-A-T-N. Oui, allez-y, on vous écoute. Merci d'avoir été là ce soir. Merci à toute l'équipe technique derrière la réalisation de cette émission-là.